Mireille Kanyang. Mardi 28 février, madame et monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Toutes les agences de voyage doivent se réinscrire et ce jusqu'au 31 mars. Ainsi, on a décidé le ministère en charge des transports ce mardi dans une réunion. Dans cette édition, on revient également sur un rapport de la Banque africaine de développement classant le Burundi à la 51e position sur 52 pays africains en matière d'économie les plus industrialisées sur le continent. En province Bururi, c'est au sud du Burundi, on vous parlera d'un manque d'eau potable à l'université des Grands Lacs Campus Kiremba. Et la chronique santé sera centrée sur l'épilepsie, ce sera avec le neurologue Patrice Barasukana dans cette édition mise en onde par Anselme Irambona et Chancela Mugishawimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Toutes les agences de voyage doivent se faire inscrire à nouveau jusqu'au 31 mars de cette année. Lors d'une réunion avec ceux qui opèrent dans ce secteur ce mardi, le ministère du Commerce s'inscrit en faux contre les agences non fonctionnelles aujourd'hui. Innocent Niwizi, directeur général des transports, ajoute que chaque agence locale agréé versera une taxe de 50 000 francs burundais et 60 $ pour les agences internationales chaque année. Nous reviendrons sur cet élément. Nous poursuivons cette édition avec ce rapport de la Banque africaine de développement. Le Burundi est classé à la 51e position sur 52 pays africains sur lesquels la Banque africaine de développement BAD a mené des enquêtes depuis 2010 sur des économies les plus industrialisées d'Afrique, se basant sur des données collectées sur tous les pays du continent africain, le Sud-Soudan et la Somalie exceptés. Dans un rapport sorti l'année dernière, la BAD a indiqué que les pays les plus industrialisés de l'Afrique sont l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Égypte. Les détails avec Évariste Nzikobanya. Sur la base des données collectées l'année 2022 par la BAD, 10 pays se situent dans le quintile supérieur du classement des économies les plus industrialisées du continent, avec un score supérieur ou égal à 0,6 sur 1. 11 d'entre eux font partie du quintile moyen supérieur entre 0,538 et 0,597. 10 du quintile moyen entre 0,50 et 0,53, tandis que 10 d'entre eux font partie du quintile moyen inférieur entre 0,45 et 0,49. Enfin, 11 d'entre eux se classent dans le quintile inférieur comprenant des scores allant de 0,34 et 0,44. D'après la BAD, les progrès les plus importants en termes d'industrialisation ont été enregistrés au Bénin, en Éthiopie, en Érythrée, au Gabon, en Guinée, en Mauritanie, au Mozambique, au Sénégal et aux Seychelles, qui ont tous gagné au moins 5 places au cours de la période 2010-2019. L'analyse des performances par région fait ressortir une dominance de l'Afrique du Nord, dont 3 des 6 pays font partie du top 10 continental. Elle est suivie par l'Afrique australe, l'Afrique centrale, puis par l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Se basant sur les données collectées depuis 2010 dans 52 pays du continent, à l'exception du Soudan du Sud et de la Somalie, le classement des économies industrielles de la BAD stipule que le Burundi est en 51e position avec le score de 0,3483 devant la Gambie qui est en dernière position avec le score de 0,3455 points. C'est au moment où les 3 pays les plus industrialisés du continent sont l'Afrique du Sud en première position, suivie du Maroc et de l'Égypte. En réaction à cette place qu'occupe le Burundi dans son rapport de la Banque africaine de développement BAD n'est pas étonnant. C'est du moins le point de vue d'un expert en économie, Faustin Dikumana, directeur national de l'APARCEM, qui explique que le secteur industriel au Burundi est le moins contributeur en matière de production suivie. Et ce classement n'est pas étonnant parce que vraiment le secteur industriel au Burundi n'est pas encore développé. Déjà, selon les chiffres, il contribue déjà à moins de 5% du PIB. Et c'est le secteur le moins contribuant en matière de la production et en matière du produit intérieur brut. Et cela est dû à plusieurs problèmes. D'abord, il y a faible investissement. Les investissements nationaux sont dus à la faiblesse de la capacité de l'épargne au Burundi. Si les investissements étrangers ne sont pas consistants pour que ce secteur puisse être développé. Déjà, on a vu la tentative de faire démarrer une zone économique spéciale au Burundi qui a échoué. Cela montre que la capacité d'établir un environnement favorable au décollage du secteur pour que les partenaires étrangers puissent venir faire démarrer, opérationnaliser cette zone économique spéciale, ça a prouvé vraiment qu'il y a un déficit au niveau de l'environnement des affaires. À l'électricité, nous avons un déficit d'énergie au Burundi, l'électricité, les barrages hydroélectriques ne sont pas encore opérationnels, nous avons un déficit d'approvisionnement de carburant alors que ce secteur exige beaucoup d'énergie. J'imagine que c'est un facteur encore limitant. Sans oublier le niveau de la technologie encore insuffisant et la capacité technologique de faire démarrer les industries, de booster le secteur industriel reste faible. Et vous voyez même le bureau de contrôle de la qualité des produits à exporter et a beaucoup de difficultés. Ça veut dire qu'on a même des difficultés d'exporter les produits finis et produits sur place parce qu'ils ne sont pas contrôlés pour qu'ils prouvent le respect des standards internationaux au niveau du contrôle de la qualité des produits industriels. Ça aussi, c'est un handicap. Il y a aussi les problèmes institutionnels de gestion liés à la corruption qui handicapent l'efficacité institutionnelle dans la mise en application des politiques comme la politique nationale d'industrialisation. Le gouvernement organise régulièrement avec la Chambre de commerce d'industrie et le salon de l'industrie annuellement, mais il a été déjà prouvé que le secteur éprouve beaucoup de difficultés. Il faut du tonus nouveau et de la part du gouvernement, de la part des institutions pour faire décoller ce secteur. Le taux de couverture des exportations par les importations aujourd'hui, il est très faible, des fois inférieur à 10%. C'est pour cela qu'on a toujours un problème criant, récurrent des devises, et du manque de devises. Il y a le chômage. Il y a le faible développement des villes. Normalement, un pays moins industrialisé, il est difficile de développer les villes pour que ces villes soient pourvoyées d'emplois. Il faut vraiment une coalition systémique des institutions pour que ce secteur décolle. Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM. Certains parlementaires ont plaidé pour la standardisation du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN lors de la présentation du rapport de réalisation du gouvernement comptant pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023. La semaine dernière, ils ont expliqué que sans cette standardisation, les exportations des produits burundais laissent à désirer. Pour le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, sa standardisation rentre dans les priorités du gouvernement burundais. Poursuivant cette édition, aucune mesure interdisant les tontines et les silks n'a été prise par la Banque de la République du Burundi BRB. Ces groupements contribuent au développement, surtout pour les femmes. Selon Prosper Ngendanganya, directeur de la supervision de la stabilité financière et inclusion financière à la Banque centrale, la mesure qui a été prise est celle de suspendre les groupements qui fonctionnaient comme des banques. Il a dit ce lundi, au cours d'une réunion organisée par le réseau des institutions de microfinance RIM, pour éclaircir cette mesure. Le point avec Jean-Marie Mayong. Cette réunion a vu la participation des experts de la Banque de la République du Burundi afin de donner la lumière sur la mesure qui a été prise concernant les groupements qui reçoivent de l'argent de la part de leurs membres. Prosper Ngendanganya, chargé de la supervision de la stabilité financière et de l'inclusion financière à la BRB, explique la cause de cette mesure. La BRB a pris cette mesure car il y avait des gens qui venaient de l'extérieur du pays et recevaient l'argent que les citoyens voulaient déposer. Non pas des cotisations, au point même que leur salaire passait par ces groupements financiers ayant ouvert des points de service. Ces points de service ont ouvert des comptes aux personnes qui le demandaient alors qu'ils n'en avaient pas les prérogatives. Dans une banque ou une microfinance, on vous donne la situation de votre compte. Par contre, la pratique de ces groupements est une porte ouverte au vol. cyangwa amafaranga nubwo ide ni mufise rero ni aho ubutumwa butangurira deja no gutumvikana n'urugira amafaranga mufitanye. Prosper Ngendaganya martèle en disant que la mesure interdit ces groupements à fonctionner comme des banques. Il ajoute que la raison d'être de ces tontines et silques est d'aider à l'autoprise en charge et à la lutte contre la pauvreté. Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman burundais, quant à elle, appelle ces groupements à sortir de l'informel pour travailler dans la transparence. Quitter le secteur informel et travaillons dans le secteur formel car ces groupes d'épargne et de crédit, de même que les banques, ainsi que d'autres avantages financiers, nous en bénéficierons lorsque nous travaillons dans la lumière, ayant les papiers identificateurs, connus par l'État et reconnus dans la société comme les gens dignes de confiance. Cette réunion a été clôturée pendant que les femmes et membres de ces groupements ont reçu la lumière sur la mesure prise par la Banque de la République du Burundi. La réunion qui a suivi la participation de diverses personnes, dont les représentants des gouverneurs des provinces. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les hommes dont les femmes sont dans des instances de prise de décision en commune Makebuko de la province Gitega s'occupent des travaux ménagers comme l'agriculture et l'élevage. Lorsque ces femmes ne sont pas à la maison, certaines femmes témoignent qu'elles sont accompagnées par leur mari lorsqu'il y a des conflits qui s'observent dans la société, surtout pendant la nuit. Le point avec Jean-Marie Vianney Gendakoumane. Leonci Minani, chef de colline, Mororo, de la zone Murenda, de la commune Makebuko, en province Gitega, indique que lorsqu'elle participe dans des réunions, son mari s'occupe des travaux champêtres et l'éducation des enfants. Jusqu'à maintenant, quand je participe dans des réunions, il m'encourage et me dit de rentrer tôt et je respecte comme tel. Et lui, en mon absence, il fait des travaux champêtres et tous nos enfants sont à l'école. Je ne me soucie de rien. Quand survient quelque chose d'anormal la nuit et que l'on m'appelle, il est le premier à m'accompagner et l'on retourne ensemble. Il ajoute que son mari l'a encouragé à se faire enrôler tout en précisant qu'il faisait des campagnes pour elle lors des élections coordinées de 2020. Mon mari est exceptionnel. C'est lui qui m'a encouragé à se faire enrôler à la commune pour se faire élire alors que j'avais eu peur. Il faisait des campagnes pour moi et les gens se sont dit, cette femme qui est soutenue par son mari, on doit voter pour elle. Quentin Yvette Kanyamuneza, administrateur de la commune Makebuko, et le précise qu'elle est toujours accompagnée par son mari dans ses fonctions. Nos maris sont souvent près de nous. Lorsque nous nous adressons envers eux, ils nous accompagnent et nous donnent appui, surtout lorsqu'il y a un seul ne voit pas. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Cette femme administrateur de la commune Makebuko fait savoir qu'elle exhorte les femmes leaders à respecter leur mari et d'afficher un comportement digne dans la société. Jean-Marie Vianney Ndakoumane, au sein du réseau des hommes engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, l'ont fait savoir que lorsque les femmes occupent des postes dans l'administration et n'ont pas de temps suffisant de s'occuper des travaux ménagers, Augustin Niongabo, coordinateur national de ce réseau, exhorte les hommes et les femmes, à accompagner ces femmes dans leurs engagements afin qu'elles réussissent. Suivez. Le rôle des hommes dans ce combat politique pour les femmes, premièrement, c'est que avant de définir le rôle de l'homme, il faut d'abord constater que la politique demande beaucoup d'efforts, demande de l'argent, demande beaucoup de temps. La femme a dans la maison d'autres engagements. S'il occupe un poste de prise de décision, ça veut dire que le temps de s'occuper des affaires familiales, le temps de partager les activités avec les membres de la famille est réduit. Et à ce niveau, il est important que son mari le remplace ou l'accompagne dans ses activités. Nous qui prônons la masculinité positive c'est quoi? C'est le partage des rôles au niveau du ménage, c'est la discussion de quoi faire au niveau du ménage. Et là, nous invitons les hommes à être tout près de leurs femmes et à remplacer valablement les femmes au niveau des activités du ménage, dans l'encadrement des enfants, dans l'organisation des travaux au niveau de la famille. Demandons aux hommes qui prônent la masculinité positive d'être toujours exemplaires et de ne pas laisser les femmes. Parce qu'en politique, si la femme n'est pas en bonne relation avec son mari, il y a tendance à être récupérée par d'autres hommes. C'est pourquoi les hommes qui doivent suivre ou accompagner les femmes pour que les femmes réussissent. Poursuivons avec cette édition de ce mardi 28 février. L'Union européenne va financer pour la première fois au Burundi un nouveau programme dans le domaine de l'éducation fondamentale pour 20 millions d'euros. Il va aussi financer bientôt la création de l'Observatoire national de l'enfance au sein du ministère en charge des droits de la personne humaine. Ceci a été dit ce lundi à Gitega par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi lors d'une conférence de presse sur les réalisations de l'ONG IRC pour son programme Mwana Mumuryango, l'enfant chez soi, financé par l'Union européenne. Les détails avec Gérard Niwigira. Dans son allocution, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a précisé que l'Union européenne va pour la première fois financer un nouveau programme dans le domaine de l'éducation fondamentale. L'Union européenne va financer cette année, et pour la première fois au Burundi, un nouveau programme dans le domaine de l'éducation fondamentale. Et donc c'est un programme important, puisque c'est quand même 20 millions d'euros que nous avons alloués à ce programme. Et là, évidemment, l'objectif est une éducation de meilleure qualité, inclusive, équitable pour toutes et tous. Il a également annoncé que l'Union européenne financera la création d'un observatoire national pour l'enfance au sein du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Ensuite, dans les prochains mois, nous espérons financer la création au sein de votre ministère de l'Observatoire national pour la protection de l'enfance. Je pense que ce sera une étape vraiment décisive dans la politique de la protection de l'enfance dans ce pays et dans sa mise en œuvre. Claude Bouchot promet aussi la deuxième phase du programme Umwana Mumuryango Umu ou l'enfant chez soi qui prend fin normalement au cours de ce mois de mars. Nous envisageons une seconde phase à ce programme Umu, donc l'enfant chez soi, qui pourrait débuter peut-être dans le courant de juin-juillet. Donc ça c'est très positif, je pense, et ça mérite d'être souligné. Ce programme a bien fonctionné. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a tenu ses propos ce lundi à Gitega dans une conférence de presse au cours de laquelle le représentant de l'ONG IRC présentait les réalisations de ce programme UMU financé par l'Union européenne et les réalisations ont été cotées de positives et satisfaisantes. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Jahara Nibigira, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, c'est bel et bien Claude Bouchu. Poursuivons cette édition. Le manque d'eau potable à l'Université des Grands Lacs, campus Kiremba, en commune et province Bururi, c'est au sud du Burundi, est à l'origine des maladies des mains sales qui s'observent sans oublier la perte de temps des cours. Les étudiants dénoncent l'absence des employés de la commune gestionnaire de l'eau. Ces derniers réclament leur salaire de plus d'une année pour assurer convenablement le rationnement de l'eau. Au niveau de la commune Bururi, l'on fait savoir que le recouvrement des factures de l'eau qui était suspendu va bientôt redémarrer pour payer ses employés et ainsi assurer la bonne gestion de l'eau. Et les responsables scolaires qui seront nommés doivent bien gérer les vivres destinés aux élèves et doivent éviter de s'en approprier. Ceci a été dit par le directeur communal de l'enseignement de Gihanga dans la province de Bubanza ce lundi. C'était au cours d'une réunion avec les responsables scolaires et les membres des comités de gestion des cantines scolaires. Une réunion tenue après un vol de plus d'une tonne de riz à l'école fondamentale Kagwema 2. Radio Isanganiro, chronique santé. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique dont l'une des causes est les séquelles d'une souffrance à la naissance. Le neurologue Patrice Barasukana fait savoir que cette maladie est caractérisée par différents symptômes dont les crises récurrentes se manifestent par des brefs épisodes de tremblements involontaires touchant une partie ou l'ensemble du corps. Les enfants sont les plus touchés par l'épilepsie. La chronique santé signée Ornella Mucho. L'épilepsie est une maladie chronique non contagieuse qui touche le cerveau. Le neurologue Patrice Barasukana indique que les causes sont variées, comme les séquelles d'une souffrance à la naissance. On peut retrouver des causes d'ordre malformative, par exemple un cerveau qui présente des malformations. D'autres causes, on peut dire les causes traumatiques. Là, il y a beaucoup de sous-groupes. L'une des causes les plus fréquentes, les traumas à la naissance. Les enfants qui font des souffrances fœtales aiguës. On peut avoir les causes par accident de la voie publique, qui est avec atteinte du parenchyme cérébral. On peut retrouver aussi des causes infectieuses, par exemple les enfants qui font des méningites. Tout ce groupe, ça fait partie des causes traumatiques. Troisième cause, c'est les causes génétiques. On peut avoir des épilepsies d'ordre génétique. L'épilepsie peut concerner toutes les tranches d'âge, mais le plus souvent, elle touche les enfants et les personnes âgées de plus de 60 ans. Les sujets jeunes ou les enfants, ça ne s'explique pas si leur cerveau est encore immature. Alors que les sujets âgés, ça s'explique par le fait qu'il y a des micro-traumatismes qui sont passés inaperçus, qui peuvent attaquer notre cerveau. Et dans ce cas, on peut développer plus tard des épilepsies. Lors des crises généralisées, le patient affiche différents symptômes. Il y a ce qu'on appelle des crises généralisées. Ce sont des crises où vous avez des secousses d'une partie du corps, des crises toniques, des crises chroniques, avec perte de connaissance et révulsion oculaire, émission des selles, des urines, avec hypersalivation. Et vers la fin de la crise, vous avez une respiration un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle une respiration stertoreuse, parce que pendant la crise, on dirait que la respiration s'est coupée. Le deuxième groupe de symptômes de crise, c'est ce qu'on appelle les crises focales. Vous aurez, dans les crises focales, vous aurez une secousse d'une partie du corps, sans perte de connaissance, mais qui perdure. Vous ne pouvez pas vous décider, par exemple, d'arrêter le mouvement qui est en train de se développer sur une partie du corps. Il y a d'autres symptômes où le patient affiche ce qu'on appelle crise absence. Troisième groupe de symptômes, il y a des enfants, parfois ce sont des enfants, qui font des épisodes de perte de connaissance bref, quelques secondes, voire une minute. Et là, il y a perte de contact, il n'y a pas de communication. Et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle des crises absence. Il est dans son monde, donc il ne communique pas avec son entourage, et ça dure quelques secondes. Et dès qu'il y a reprise de la conscience, il ne se rappelle pas de la question ou la parole qu'on lui a adressée. On peut également retrouver dans cette théorie les enfants, par exemple, qui font des chutes inexpliquées. Par exemple, les enfants qui font des chutes atomiques, vous aurez des enfants qui auront toujours des bleus au niveau de leur front, au niveau du visage, parce qu'ils font des chutes itératives et avec traumatisme au niveau de son visage. Il souligne qu'il ne faut pas confondre l'épilepsie et d'autres maladies présentant quelques symptômes semblables comme la méningite et l'AVC, car lors de l'épilepsie, le patient ne présente pas les maux de tête et la fièvre. On est là, mucho point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mireille Kanyang.